Double S on the track, bitch. Jamais je ne t'ai pardonné, hein. Même mon prénom tu l'as pas retenu. Bah ouais. J'allais tomber, j'ai fini par tenir. Et je ressuscite en enterrant mes partenaires. Tous. Écoute salope, je n'ai pas ton âge. Mon amour n'est pas platonique. Entre les anges et les démons, la boisson elle est pas tonique. Dans mes affaires, mes bâtons nés, tu vas mourir ce soir. Je rentre pas sa mère, je veux que mon canon les fasse agir. Je rôde, bouteille entre les cuisses, deux doigts à la main. J'ai ma folie côté passager. Glock, délire, street, je me gratte la tête. Je fais pas semblant quand je gratte mes textes. Pas de méthode, pas de médoc, pas de patron, pas de maîtresse. Dans ma life, rien de plaisant, hein. Mais pour le bonheur, je suis pressé. Pas le temps. Ma hype sont dépressifs, oui. Depuis j'ai baissé imbécile. Sky, vodka, ammoniaque dans la vessie. Starfall, insomnia dans le vaisseau. Précis dans mes récits, j'ai mes raisons, j'ai mes racines. Ils attendent que je me résigne, hey. J'arrive sous champagne, elle est blèche, hein. Me demande pas pourquoi j'ai la pêche. J'ai vu qu'elle est trop bonne, je la baisse, je la baisse. Et vu qu'elle est trop conne, je la blesse. Et vu qu'elle est trop conne, je l'ai vexée. Personne ne peut enlever la haine de mon plexus. Je suis au sommet comme Wu-Tang, je suis dans l'excès. Je suis à part de tout le game, je suis dans le Brexit. Et puis ça m'excite, je la réduis, je paye pas. Vendredi aux Pays-Bas, samedi je suis au Mexique. Que j'ai le vocabulaire et le lexique. Et je vois la vocabulaire, j'ai de la technique. J'ai pisté le monde depuis l'entrée, fils. Piste la montre, il est grand time. Risquer ma vie de moi, mais dites-moi, non, je suis pas fils. J'ai de la piste de démon dans les entrailles. J'ai rien à t'avouer, je me sens bien en promenade. Je suis bien accompagné, je fais partie de l'engrenage. Salope, j'ai rien à t'avouer, je me sens bien en promenade. Je suis bien accompagné, j'ai toujours la même. C'est la hâte coulant dans le front, Sky et Cola. Pas des connes, non, rebuche ta tes comas. Je veux faire des love, mais y'a que des donneurs. Fais pas la morale, ouais, que des connasses. Et elles ont le cœur petit, le cul qu'on masse. Payer la pute, mais pas payer la dot. Je t'avoue que j'abuse, mais laquelle est la bonne. Je l'ai qu'une sous alcool, laquelle prenne la bonne. J'suis un ouais, le connard. Sors le flash, le cool à l'ancien. Plein de coq, c'est la morale. Personne pour m'épauler. Personne m'idolâtre, je suis dans le bloc et je prends mes toutes les couleurs, même les gris. J'ai mal vieilli, donc j'ai bien maigri. Charismatique, gros, je crève l'écran. Un peu sadique, gros, mais j'aime les cris. Je viens d'écrire, alors viens, je t'écrase. Viens, je te crame, vas-y, viens, je t'éclate. Pas de guitare, je te mets juste des claques. Je pars au lion, toi, t'es juste un club. Carba, il me juge malhonnête. Ta place là, à s'en faire malhonner. Nerveux de nature, je le regarde de travers. Quand je passe en gamos, je le fais tous marronner. Ragda, tu vas voir YL partout. Tu vas voir ton rappeur. Par terre, que j'ai mis 10 années sous la Jackda, sous la Tabia, des meurs à la Jack Mess. J't'ai pissé depuis hier soir, je vais te faire du sale pour du Versace, merci. C'est la merde, c'est la guerre dans la terre sainte, je suis au berceau, dans le bloc, pas à Bercy. Dans la zig, dans la rue, pas d'adversaire, je suis à Marseille, je suis à Stein, je suis à Pierrefitte, je suis à Herbel Nalbourg, je suis à Arby, dans la Zermi, sur le terre, c'est un zermi. J'ai rien à t'avouer, je me sens bien en promenade, je suis bien accompagné, je fais partie de l'engrenage, salope, j'ai rien à t'avouer. Je me sens bien en promenade, je suis bien accompagné. J'ai toujours la même, c'est la collante dans le froc. Sky et Cola, pas déconnant, refais, je tape des comas. Je veux faire des love, mais y'a que des donneurs. Fais pas la morale, ouais, que des connasses. Et elles ont le cœur petit, le cul qu'on masse. Payer la pute, mais pas payer la dot. Je t'avoue que j'abuse, mais laquelle est la bonne. Je l'ai qu'une sous alcool et qu'elle prenne la bonne. J'suis un ouais, le connard. Sors le flash, le cool à l'ancien. Plein de coq, c'est la morale. Personne pour m'épauler, personne m'idolâtre, je suis dans le bloc et je prends mes deux.